Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. La plateforme de l'opposition burundaise en exil souhaiterait participer aux élections de 2020 si le gouvernement leur accorde certaines facilités. Vous entendrez Anice Niyenkuru, c'est le secrétaire exécutif de cette plateforme de l'opposition en exil, Sénared. Et les communes de la mairie de Bujumbura ne se répartissent qu'un montant de 3 milliards de francs burundais sur les 6 milliards d'impôts collectés sur les revenus locatifs au ministère de l'Intérieur. On annonce que des textes relatifs à l'autonomie des communes sont en cours de confection. Et les préparatifs vont bon train pour l'examen d'état donnant accès à l'enseignement supérieur qui commence ce mardi. Nous appellerons deux de nos correspondants à l'intérieur du pays. Alors que dans l'actualité africaine, un conseil souverain chargé de piloter la transition politique au Soudan sera formé le 18 août prochain. Les généraux au pouvoir et les chefs de la contestation ont paraphé ce dimanche à Khartoum une déclaration constitutionnelle après des semaines de négociations. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, je venais de vous le dire. La plateforme de l'opposition en exil, Sénared, souhaite participer aux échéances électorales de 2020. Dans un communiqué sorti après sa réunion du 2 au 4 août cette année, Anice Niyenkuru, secrétaire exécutif de cette plateforme, a demandé au gouvernement burundais de considérer cette volonté affichée, puis leur accorder d'accorder des facilités aux opposants exilés pour la participation à ces élections. Il nie cependant que certains membres de ses opposants politiques rentrent prochainement. Suivez Anice Niyenkuru au téléphone avec Linibel Niwigira. Nous avons d'abord manifesté notre volonté de changer le pouvoir à travers les urnes. Nous avons adopté en principe le principe qui est le nôtre, le principe que nous avons exprimé depuis longtemps, c'est un principe de participation aux élections au cas où les conditions optimales seraient respectées. Nous avons toujours dit, nous n'avons pas peur d'élections, mais seulement il y a des embûches, il y a des pièges, il y a des paramètres qui doivent être résolus pour que nous participions à ces élections-là. Moi, par exemple, je ne suis pas sur la liste de ceux qui sont sur la liste des personnes qui ont un mandat d'arrêt international. Oui, c'est la justice, mais à voir cela de près, ce n'est pas une question de justice, c'est une question politique. Parce qu'il n'y a jamais eu de condamnation à caractère juridique de ces gens-là qui sont sur la liste. Si je parle politique alors, les hautes personnalités qui sont membres de la plateforme de l'opposition burundaise, le Sénat d'égalité et cas, et qui ont maintenant un mandat d'arrêt international derrière eux sur leur vie. C'est une question de dire, nous voulons faire un pas politique. Une délégation de Sénared rentre très prochainement au Burundi selon des informations en coulisses. Est-ce que ça veut dire qu'une partie va rentrer et une autre rester en exil? On appelle ça des rumeurs. Ça, ce sont des rumeurs qui ont été, c'est pas fomenté par quelqu'un qui veut dévancer les choses quand il entend que le Sénared est en concertation et le Sénared a adopté ce principe de participation aux prochaines élections. C'est une forme d'anticipation. Si le Sénared rentre, il y rentre après avoir dialogué avec le pouvoir pour question de sécurité, pour question de voir mettre en place un climat favorable aux élections crédibles. Nous avons seulement montré notre volonté de participation à ces élections. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement burundais pour que vous puissiez prendre part aux échéances électorales de 2020? Ça va sortir d'un dialogue probable entre peut-être et le gouvernement au cas où il acceptait. Et si le pouvoir le veut, on peut le parler dans très peu de temps. C'était Anice Niyenkuru, c'est le secrétaire exécutif du Sénared. À ce sujet, la rédaction a voulu avoir la réaction du gouvernement burundais, mais le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Prosper Ntahorwamiye, nous a fait savoir que le gouvernement donnera sa position quand il sera opportun. Je vous l'avais dit, dans les titres, plus de 6 milliards de francs burundais d'impôts sur les revenus locatifs ont été collectés par l'OBR de janvier à mai cette année, selon des données de cet office burundais des recettes. Plus de 2 milliards reviennent au trésor public, alors que plus de 3 milliards ont été répartis entre les communes. Cependant, les communes de la mairie de Bujumbura ne perçoivent pas directement cet impôt. Donc, c'est-à-dire que ces communes n'imposent pas directement cet argent. Et sur ce, le ministère de l'Intérieur annonce qu'une série de textes relatifs à l'autonomie de gestion des communes urbaines est en cours de confection. On fait le point avec Mireille Kanyang. L'impôt sur les revenus locatifs est régi par la loi de mars 2016 portant réforme de la fiscalité communale au Burundi, mais plus précisément par cette ordonnance ministérielle des ministres des Finances et de l'Intérieur portant fixation des modalités de rapatriement de l'impôt sur les revenus locatifs au sein de la fiscalité de l'État gérée par l'Office burundais des recettes OBR. C'est une ordonnance se référant sur la loi budgétaire exercice 2017 qui stipule que 40% des revenus locatifs reviennent au trésor public et 60% aux communes. Ainsi, l'OBR précise que les recettes ont augmenté au fur et à mesure que les années avancent depuis 2017 suite à la maîtrise des outils de collecte. En 2017, plus de 4 milliards de francs burundais ont été collectés avec près d'un milliard 950 millions au trésor public et plus de 2 milliards 920 millions aux communes. En 2018, plus de 5 milliards et 600 millions ont été perçus. Plus de 2 milliards sont revenus au trésor public et plus de 3 milliards aux communes. Et de janvier à mai de cette année, plus de 6 milliards de francs burundais ont été collectés. Plus de 2 milliards reviennent au trésor public et plus de 3 milliards de francs burundais aux communes. Bien que la loi budgétaire 2017 répartit les 60% aux communes, un des administrateurs de la mairie de Bujumbura affirme que les trois communes ne reçoivent pas ces montants. L'autonomie de gestion des communes de la mairie est revenue lors de la vulgarisation du code électoral vendredi de la semaine passée. Les administrateurs n'ont pas posé cette question, mais elle est sensible. Il y a une série de lois en cours d'élaboration qui vont bientôt clarifier l'organisation administrative de la ville de Bujumbura. On ne peut pas pour le moment donner plus de détails, mais ces réglementations vont clarifier tout sur l'autonomie de gestion. L'OBR rappelle qu'une amende de 50% est appliquée sur le montant de l'impôt non déclaré dans les délais légaux. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Éducation à présent, la direction provinciale de l'enseignement à mairie de Bujumbura donne en délai d'une journée, c'est-à-dire le 20 août prochain, aux parents qui veulent faire inscrire leurs enfants en première année de l'école fondamentale. Patrice Toawinimana précise que cette période est suffisante et que cela permettra d'éviter qu'un enfant soit inscrit à plusieurs écoles. Le directeur provincial à la mairie de Bujumbura était joint au téléphone par Mireille Naomini Tegek. Comme vous l'avez entendu dans le communiqué, que nous avons déclaré le 1er août, où nous avons dit que l'inscription des enfants aura lieu le 20 août. Nous avons pris cette décision pour diminuer le mouvement des parents qui, à chaque inscription, on trouve que l'enfant est inscrit à plusieurs écoles. Et comme ça, dans le rapport de la rentrée scolaire, on se retrouve avec un effectif élevé des abandons. Mais en vérifiant bien, on trouve que les enfants ne sont pas des abandons comme tels. Ce sont les enfants des parents qui se sont fait inscrire sur des différentes écoles. Et les élèves qui sont appelés sont des élèves qui vont se faire inscrire dans les écoles privées ou dans les écoles publiques. Cet communiqué concerne seulement les parents qui vont inscrire les enfants dans les écoles publiques seulement. Et quels sont les critères pour qu'un enfant soit admis à l'école? C'est seulement l'excès d'actes de naissance qu'il présente. Sinon, l'inscription des enfants dans ces premières années est gratuite. Éducation toujours avec nos correspondants qui nous parlent des préparatifs à l'examen d'État donnant accès à l'enseignement supérieur qui commence ce mardi à Muyinga. Les préparatifs vont bon train comme nous le rapporte notre correspondant Dieudonné Nzeyimana. Au lycée communal Mukoni, plus de 800 candidats à l'examen d'État sont casés dans différentes salles. Les révisions continuent par petits groupes d'élèves pour affronter les épreuves débutant mardi. Brice Mouyemana, lauréat de la section sciences, se dit confiant. Moi, à ma part, j'espère réussir parce que j'ai bien préparé l'examen d'État. C'est la première promotion au poste fondamental. Est-ce que vous ne croyez pas que ça puisse être compliqué, d'autant plus que ce sont des matières nouvelles? Ça serait compliqué si les taux d'intégration seraient encore à 80%. 20%, mais le ministère a diminué et a ramené la série d'intégration sur 20%. Nous espérons, avec les 20% qui nous restent en classe, faire de nos mieux et réussir à l'examen d'État. Princesse Asma de Chimé, de l'école technique de gestion Moyinga, espère réussir vu l'encadrement d'avant-test. Nous allons réussir à l'examen d'État parce que nous avons bien préparé l'examen d'État grâce à notre économe de l'ETG Moyinga qui nous a appelé 2 semaines avant pour que nous puissions bien préparer l'examen d'État. Entre autres consignes rappelées aux élèves passant son premier examen d'État du nouveau système de la réforme post fondamentale, la rigueur par rapport à la fraude, la tricherie dans un examen vaut annulation de toutes les épreuves. Moyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana et Akarouzi. Même les salles de passation des examens ont été doublées depuis ce dimanche soir. Les élèves lauréats de l'ex-État édition 2019 de la province scolaire de Karouzi sont internés dans 4 écoles à régime d'internat de cette province. Les centres de passation ont été doublés, je venais de vous le dire. Pour cette province scolaire, passant de 2 à 4 suite à l'augmentation de l'effectif des lauréats. Et c'est pour aussi diminuer la distance à parcourir pour ces élèves, comme l'expliquent les autorités scolaires. Nous appelons notre correspondant Blaise Pascal Kararoumi. Ils sont à un effectif de 1657 lauréats de l'ex-État édition 2019 dans la province Karoussi. La plupart d'entre eux sont internés depuis ce dimanche soir dans les 4 centres de passation de ce test national au niveau de cette province, des centres qui ont été doublés par rapport à ceux de l'année passée. Aux 2 centres de passation, le lycée de l'Espérance de Vouhiga et l'Itabu Karoussi du chef-lieu de la province se sont ajoutés pour l'édition présente 2019 le centre du lycée Gatonde de la commune Nyabikere, où se trouvent actuellement les lauréats des écoles des communes scolaires de Nyabikere et Mutumba, qui se rendaient habituellement à l'Itabu Karoussi, et s'ajoute ensuite le lycée Vouhiga, où se trouvent en grande partie les lauréats de l'Itabu Karoussi, et à l'Itabu Karoussi se trouvent actuellement les lauréats des communes scolaires de Chombo et de Gihogazi. Les autorités de la direction provinciale de l'enseignement Karoussi expliquent 2 raisons, à savoir diminuer la distance à parcourir pour arriver au centre de passation et l'augmentation des écoles dans la province et par conséquent l'augmentation de l'effectif des lauréats. Pour la survie des élèves, ils font savoir qu'ils paient chacun 2000 francs pour leur séjour dans les internats de ces écoles qui sont des centres de passation. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Kararoumi. Sécurité toujours dans les nouvelles de Provence. Encore sans vie d'un enfant de 4 à 6 mois, visiblement décapité, a été retrouvé ce dimanche soir au quartier Kinyami de la commune Provence Ngozi. 2 hommes présumés auteurs sont déjà auteurs de ce forfait sont déjà dans les mains de la police pour la poursuite des enquêtes. Et une personne est morte ce matin dans un accident de roulage survenu devant l'état-major général de l'armée à Bujumbura. Les passants rencontrés sur le lieu de l'accident témoignent que la victime a été percutée par un bus qui visiblement a connu des défaillances dans son système de freinage. Ils réclament de la rigueur dans l'octroi des certificats de contrôle technique. Suivez-les. Et l'accident qui vient de se passer, son frère qui vient de nous quitter était ensemble avec son ami, il se rendait à l'école. Alors, c'était un étudiant. Oui, il était un étudiant de Fagabac 3 à l'université de Gralac. Il venait de la maison, il se rendait à l'école. Quand ils arrivaient tout près de l'état-major, en bus qui venait, les freins ne fonctionnaient pas. Il a cogné, alors il a rendu son âme. Nous voyons, nous tous, que les bus de notre capitale sont en mauvais état parce que tous les jours, on voit des bus qui sont en panne dans les rues, qui des accidents. Même si on est dans ce bus, on voit que c'est totalement amorti. Ils sont à jeter ces bus. Nous voulons qu'on amène d'autres bus, de nouveaux bus qui sont en bon état pour que nous tous, nous soyons sécurisés quand nous faisons nos parcours dans la ville. C'est triste, c'est dommage que quelqu'un jeune qui est en train de circuler comme ça, et en ordre, puis un véhicule arrive, puis bon, le cogne comme ça. C'est une mort injustifiable. Mais pour le moment, je ne peux rien dire d'autre. Je ne suis pas sûr s'ils sont vraiment contrôlé. Ça, je doute fort. Son véhicule avait perdu les freins. Il paraîtrait qu'il avait perdu les freins. Nous demandons de prendre des mesures assez consistantes pour punir ces bus, les détenteurs de ces bus qui sont en mauvais état. Vous voyez comme ce qui vient de se passer. Le contrôle technique se fait dans les bonnes conditions. Tout cela ne peut pas surgir. Moi, en tant que camarade de classe, c'est le malheur. Nous sommes malheureux. Nous disons que Dieu reçoive son âme, mais aussi à la police de changer et de faire disparaître ces bus qui ne sont pas en bon état. Même nous tous qui sommes lestés, nous allons bientôt être emportés par ces bus qui sont en mauvais état. Voilà, c'était les témoignages de ces passants sur le lieu de l'accident ce matin devant l'état-major général de l'armée burundaise. Les cultivateurs des différentes localités de la province Ngozi demandent au bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage des boutures de colocase en remplacement de celles emportées par une maladie. Une maladie qui, heureusement, a disparu actuellement, comme il le témoigne. Le directeur de ce bureau conseille à ses cultivateurs de multiplier le peu de semences qui n'ont pas été emportées par cette maladie en attendant l'appui des partenaires. Apollinaire Muzagara. Ces agriculteurs affirment que la colocase est une culture de grande importance, une culture de soudure qui aidait beaucoup la population dans la lutte contre la famine. Selon eux, on récoltait certaines colocases de grande taille, laissant dans le sol la rhizome qui continue à faire d'autres colocases à consommer, ce qui permettait fortement à nourrir deux familles pendant la période de soudure, disent-ils. Cette culture de colocase a été attaquée ces dernières années par une maladie bactérienne qui a conduit à sa disparition. Une maladie qui, heureusement, selon la population et le bureau provincial de l'agriculture, a actuellement disparu. Ces habitants d'Ngozi demandent donc aux services en charge de l'agriculture dans cette province à leur donner de nouvelles boutures de colocase comme on l'a fait ces dernières années pour le manioc, patates douces, maïs, la banane et autres. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage dit être préoccupé par ce problème. Justin Ouaoué indique même que la recherche de ces nouvelles semences de colocase figure dans les plans communaux de développement communautaire en province Ngozi. Ce responsable invite la population à penser à la multiplication du peu de colocase à sa disposition en attendant l'intervention des partenaires. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. On parle du Kung Fu qui est un sport qui a été initié au Burundi depuis 2008 en zone urbaine de Buyenzi. Puis progressivement, cette discipline a connu une évolution en s'étendant sur quelques autres provinces sur le territoire national. Mais d'après Yves Nirenganya, président de la Fédération burundaise de Kung Fu, le manque d'infrastructures et le non-respect des droits d'auteur, comme dans d'autres arts, sont certains des défis auxquels font face les pratiquants du Kung Fu au Burundi. Les détails dans cette chronique sportive avec Charles Makoto. Au début, le Kung Fu se pratiquait dans un endroit unique au Burundi. Et après, ce sport s'est étendu sur d'autres provinces, ce qui a permis la progression de ce sport, comme l'indique le président de la Fédération burundaise de Kung Fu. Le Kung Fu a commencé depuis 2008. Nous étions très peu. On a commencé avec le Bushu Bulumbwa. C'est moi qui a créé ce club. Depuis ce jour-là, nous avons commencé très timidement, avec des endroits vraiment très banals, je dirais. Nous étions au siège de Doliprona avant, qu'on appelait un quartier Buyenzi, c'est là où nous avons commencé nos activités. Il y avait peu de gens qui adhèrent. D'autres nous disaient que tout ce que nous sommes en train de pratiquer, c'est justement c'est ce que nous regardons dans les films et puis on vient, on les pratique. Peu de gens nous croyaient et ceux qui s'adhéraient, petit à petit, ils ont compris jusqu'en 2013, là où nous avons eu l'agrément. Après, trois clubs créés. Nous avons créé un club à Ruziba et un autre à Ngagara. Et les trois clubs, ils ont formé une association de Kung Fu dans le but de sélectionner les meilleurs joueurs qui puissent représenter le Burundi dignement dans des compétitions internationales, Yves Nirenganya fait savoir que des compétitions locales sont organisées chaque année. Nous organisons des compétitions, à part des compétitions régionales que nous avons faites pour la première fois au Rwanda, que nous avons impressionné beaucoup de gens, parce que nous avons remporté 6 médailles d'or. C'est quelque chose de très miraculeux, des gens ont été surpris de voir ça. Ici, à Bujumbura, on fait uniquement les compétitions locales chaque année. En mars, on fait des compétitions locales, juste pour promouvoir cet art, pour continuer à faire nos jeunes, nos athlètes, de vivre cet art, de se sentir qu'ils sont dans le jeu. Le manque des infrastructures et le non-respect des droits d'auteur sont certains des défis auxquels fait face le Kung Fu au Burundi, comme l'explique Yves Hirenganya. Nous faisons face à beaucoup de défis, je dirais, comme le manque de terrain, des endroits propices pour cet art, le Kung Fu. Depuis le début, nous avons travaillé dans des terrains de basket, dans des endroits loués. Parfois, le club est chassé, il ne continue pas, c'est dommage. On fait aussi des films, et ces films que nous sommes en train de faire, jeunes. Ce sont des films qui encadrent pas seulement la jeunesse, mais aussi la population. Parce qu'on donne des messages de paix, des messages de réconciliation, des messages justement pour le droit de l'enfant et autres. En faisant tous ces films, on dépense beaucoup de moyens. Mais on n'est pas à mesure de récupérer tout ce qu'on a déjà dépensé. Parce que ici, au Burundi, il y a droit de terre. Mais les gens ne connaissent pas ce que c'est. On demande au gouvernement et aussi aux journalistes de bien enseigner ces gens-là qui font de piratage de CD, qui copient le droit de quelqu'un dans des studios. Tout ça, ce sont les droits. Il faut enseigner aux gens parce qu'il y a des gens qui le font, mais qui ne savent pas. Le président de la Fédération burundaise de Kung Fu déplore le non-application du droit d'auteur qui a comme conséquence le manque de gains aux professionnels de ce sport. Charles Makoto, et pour boucler ce journal en bref, un international en conseil souverain chargé de piloter la transition politique au Soudan sera formé le 18 août prochain. L'accord global sur la transition conclu samedi 3 août entre les militaires et les civils a été paraphé ce dimanche par les deux parties. Il sera officiellement signé dans 15 jours et celui-ci semble équilibré, laissant une large place au pouvoir civil. Mais le chemin reste encore long pour mener à bien la transition. Transition qui sera encadrée par trois autorités. Le Conseil souverain qui sera nommé le 18 août et comptera 5 militaires et 6 civils. Un Conseil des ministres dirigé par un Premier ministre qui sera nommé par les civils le 20 août. Enfin, le Parlement devra être mis en place 90 jours après la signature de l'accord. Le mouvement de protestation a été né le 19 décembre quand des milliers de Soudanais étaient descendus dans les rues pour protester contre la hausse du prix du pain. Les manifestations s'étaient rapidement transformées en contestation du pouvoir d'Omar el-Béchir. Elles ont continué après le départ de ce dernier pour réclamer aux militaires ayant pris le pouvoir de le transférer à des civils. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que la plateforme de l'opposition burundaise Sénared en exil souhaiterait participer aux élections de 2020 si le gouvernement leur accorde certaines facilités. Et les communes de la mairie de Bujumbura ne se répartissent qu'un montant de 3 milliards de francs burundais sur les 6 milliards d'impôts collectés sur les revenus locatifs par la mairie. Au ministère de l'Intérieur, on annonce que des textes relatifs à l'autonomie des communes sont en cours de confection. Et les préparatifs vont montrer pour l'examen d'état de notre accès à l'enseignement supérieur qui commence ce mardi, c'est demain. Vous l'avez appris de nos correspondants de Muyinga et de Karuzi. Et je viens de vous le dire, un conseil souverain chargé de piloter la transition politique au Soudan sera formé le 18 août prochain. Les généraux au pouvoir et les chefs de la contestation ont paraphé ce dimanche à Khartoum une déclaration constitutionnelle après des semaines de négociations. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.